Chapitre 13. Mon impression particulière, je le répète, me parut le lendemain difficile à faire partager à Mrs. Groves, bien que je la fortifiasse d'une autre remarque qu'il m'avait faite avant que nous ne nous séparions. « Tout tient en quelques mots, lui dis-je, en six mots qui règlent la question. Pensez un peu à tout ce que je pourrais faire. Voilà ce qu'il m'a lancé pour me prouver quel bon petit garçon il est. Il sait à fond ce qu'il peut faire, c'est de ça qu'il leur a donné une idée au collège. » « Seigneur, comme vous avez changé !» s'écria mon ami. « Je n'ai pas changé du tout. J'explique les choses tout simplement. Tous les quatre, vous pouvez en être sûrs, se rencontrent perpétuellement. Si l'une de ces dernières nuits, vous eussiez été avec l'un ou l'autre des enfants, vous auriez tout compris bien facilement. Plus j'ai observé, plus j'ai attendu, plus j'ai senti qu'à défaut d'autres preuves, leur silence systématique à tous les deux serait suffisant. Jamais rien ne leur a échappé. » Pas une allusion, pas une phrase commencée à propos de leurs anciens amis, pas plus de la part de Miles à propos de son renvoi. Oui, oui, nous pouvons nous asseoir tranquillement à les regarder, et ils peuvent, tant qu'il leur plaira, nous en faire accroire. Mais dans le moment même qu'ils prétendent être absorbés dans leur conte de fées, ils s'enfoncent dans la vision de ces morts qui reviennent à eux. Il n'est pas du tout en train de lui faire la lecture, déclarai-je. Ils parlent d'eux, ils disent des choses horribles. Je sais bien que je vous parais folle. C'est bien un miracle si je ne le suis pas. À ma place, voyant ce que j'ai vu, vous le seriez devenu. Mais cela ne m'a rendu que plus lucide et m'a fait comprendre bien d'autres choses. Certes, ma lucidité devait sembler effrayante, mais les exquises créatures qui en étaient victimes, passant et repassant devant nous dans leur gracieux enlacement, donnaient à la crédulité de ma compagne un vigoureux appui. Et je vis combien elle s'y fiait, lorsque, sans broncher devant le feu de ma passion, elle continua de les couvrir de son même regard. « Quelle autre chose avez-vous comprise ? Mais toutes celles qui m'ont enchantée, fascinée, et cependant au fond, je le vois si étrangement à présent, qui m'avaient mystifiée et troublée, leur beauté plus qu'humaine, leur sagesse absolument anormale, tout cela n'est que jeu, continuai-je. C'est une manière d'être, une affectation et une fraude. De la part des petits chéris, qui ne sont guère encore que de ravissants bébés, mais oui, tout insensé que cela paraisse. Le fait même de m'exprimer m'aida vraiment à analyser mon impression, à remonter jusqu'à sa source et reconstituer le tout. Ce n'était pas qu'ils fussent sages, ils étaient absents, voilà tout. S'il a été facile de vivre avec eux, c'est qu'ils vivent une existence à part de la nôtre. Ils ne sont pas à moi, à nous, ils sont à lui et à elle. À Kint et à cette femme ? À Kint et à cette femme. Ils veulent les reprendre. Hein, comment les regarda alors Mrs. Groves ? Mais pourquoi ? Pour l'amour du mal qu'en ces jours terribles le couple leur a inculqué, leur insufflé encore et toujours ce mal, soutenir et poursuivre leur œuvre démoniaque, voilà ce qui ramène les autres ici. « Oh là là !» dit mon ami tout bas. L'exclamation était populaire, mais involontairement, elle me révélait son acquiescement à cette preuve nouvelle qu'il avait dû se passer ici un drame pendant les mauvais jours. Car il y avait eu des mauvais jours, pire que ceux-ci. Rien ne pouvait me convaincre davantage que ce simple assentiment, accordé par son expérience à la dépravation, quelque profonde que je pusse le soupçonner, de notre père de canaille. La soumission de sa mémoire se révéla dans ces mots qu'elle laissa échapper. « Pour des fripouilles, c'en était, mais que peuvent-ils faire maintenant ? » poursuivit-elle. « Faire ? » répétai-je comme un écho, et si fort que Miles et Flora, passant au loin, s'arrêtèrent un moment et nous regardèrent. « Vous ne trouvez pas qu'ils en fassent assez ?» demandai-je d'une voix plus basse, après que les enfants qui nous avaient souri et fait signe de la main eurent repris leur comédie. Un moment, elle nous fascina. Puis je lui répondis « Ils peuvent nous les détruire !» Cette fois, ma compagne se tourna vers moi, mais son appel resta silencieux et le silence me rendit plus explicite. « Ils ne savent pas bien encore comment faire, mais ils essayent de toutes leurs forces. On ne les voit encore qu'au-delà d'une chose ou d'une autre, et d'un peu loin, dans des endroits bizarres et des lieux élevés, au sommet des tours, sur les toits des maisons, à l'extérieur des fenêtres, de l'autre bord des étangs, Mais des deux côtés, un dessein est à l'œuvre pour raccourcir la distance et surmonter l'obstacle. Ainsi, le triomphe des tentateurs n'est qu'une question de temps. Ils n'ont qu'à continuer leurs dangereuses suggestions. Et les enfants iront? Et périront dans l'entreprise, oui. Mrs. Grove se leva lentement, et j'ajoutai, prise de scrupule. À moins, bien entendu, que nous ne l'empêchions. Debout devant moi, toujours assise, elle tentait visiblement d'analyser la situation. C'est leur oncle qui doit empêcher ça. Il faut qu'il les emmène. Et qui l'en persuadera? Elle m'avait semblé scruter l'horizon, mais pencha alors vers moi un visage un peu sot. Mais vous, mademoiselle? En lui écrivant que sa maison est empoisonnée et que son neveu et sa nièce sont fous? Mais s'ils le sont, mademoiselle! Si je le suis moi-même, voulez-vous dire? Ce sont de charmantes nouvelles à lui envoyer, de la part d'une personne qui jouit de confiance et dont la première raison d'être est de lui éviter tout ennui. Mrs. Groves, songeuse, suivait les enfants des yeux. Oui, ils n'aiment pas les ennuis. Ça a été là la principale raison pour laquelle ces monstres ont pu le tromper si longtemps. Sans doute, bien que de toute façon, il lui a fallu une terrible indifférence. Comme je ne suis pas un traître, moi, en tout cas, je ne le tromperai pas. Après un moment, ma compagne, pour toute réponse, s'assit de nouveau et me saisit le bras. « En tout cas, appelez-le à vous !» Je la regardai stupéfaite. « À moi ?» J'eus une peur soudaine de ce qu'elle serait capable de faire. « Lui ? Il devrait être ici, il devrait nous aider !» Je me levai d'un bond, et je crois lui avoir alors montré une plus sincère figure que jamais. « Vous me voyez l'invitant à me faire une visite ?» Non, les yeux dans les yeux, évidemment, elle ne me voyait pas, et même au lieu de cela, comme une femme qui sait lire dans une autre femme, elle vit ce que je voyais moi-même, sa dérision, son divertissement, son mépris pour mon manque de résignation à la solitude et à la belle histoire présentée de façon à attirer son attention sur mes attraits négligés. Elle ne savait pas, ni personne au monde, combien j'avais été fière de le servir, et d'observer fidèlement notre contrat, mais néanmoins, elle estima à sa juste mesure, je crois, l'avertissement que je lui donnais. Si jamais vous perdiez la tête au point d'avoir recours à lui en ma faveur, elle fut réellement effrayée. Alors, mademoiselle, je vous quitterai sur l'heure, lui et vous. Chapitre 14. C'était très bien d'avoir pu garder le contact avec eux, mais leur parler se révéla, autant que jamais, un effort au-dessus de mes forces. Vu de près, la situation d'aujourd'hui me présentait des difficultés aussi insurmontables que les précédentes. Cette situation dura un mois, avec de nouvelles aggravations, des traits particuliers, dont le plus saisissant, qui s'accentua de jour en jour, était l'ironie consciente et légère de mes élèves. Ce n'était pas, j'en suis aussi certaine aujourd'hui qu'alors, l'effet seulement de mon infernale imagination. Il était facile de discerner qu'ils étaient au courant de mes embarras et que nos étranges relations transformaient, en une certaine manière, l'atmosphère dans laquelle nous vivions, et cela dura longtemps. Je ne veux pas dire qu'ils clignaient de l'œil ou qu'ils fissent rien de vulgaire, car pour cela, il n'y avait rien à craindre d'eux. Ce que je veux dire, du moins, c'est que l'élément innommé et insaisissable grandissait entre nous aux dépens de tout le reste, et que pour éviter avec tant de bonheur les occasions scabreuses, il fallait entre nous un bien fort consentement tacite. Les choses se passaient comme si par moments nous arrivions en vue d'objets devant lesquels il nous fallait tourner court, abandonnant subitement des routes qu'on s'apercevait être des impasses, fermant avec un bruit qui attirait nos regards les uns sur les autres, car comme tous les bruits, c'était toujours plus fort que nous ne l'aurions voulu, des portes indiscrètement ouvertes. Tous les chemins mènent à Rome, et à certains moments, il semble que tous les sujets d'études et tous les thèmes de conversation frôlassent le terrain défendu. Le terrain défendu, c'était d'une façon générale le retour des morts sur terre, et tout spécialement la discussion de ce qui peut survivre dans la mémoire d'amis perdus par de jeunes enfants. Il y avait des jours où j'aurais juré que l'un poussait l'autre d'un coup de coude invisible et lui disait « Elle croit qu'elle y est cette fois-ci, mais elle n'y arrivera pas. » Y être aurait été de se permettre, par exemple, une fois par hasard, une allusion à la dame qui les avait préparés à ma direction. Ils avaient un appétit insatiable et charmant pour certaines anecdotes de mon existence dont je les avais régalées maintes et maintes fois. Ils savaient tout ce qui m'était jamais arrivé, possédaient les moindres détails, l'histoire de mes plus petites aventures ainsi que celle de mes frères, de mes sœurs, du chien et du chat de la maison, aussi bien que beaucoup d'autres sur les manies originales de mon père, le mobilier et la disposition de notre demeure, et la conversation des vieilles femmes de mon village. En comptant tout, il y avait pas mal de choses à propos desquelles on pouvait bavarder, pourvu que l'on allât vite, qu'on ne s'attardât pas, et que l'on sût instinctivement quand et où il fallait moduler. Ils avaient un art particulier pour tirer les ficelles de mon imagination ou de ma mémoire, et quand toutes ces circonstances me reviennent, il me semble que rien ne me donnait davantage l'impression que j'étais guettée d'un abri soigneusement caché. En tout cas, ce n'était que lorsqu'il s'agissait de ma propre vie, de mon propre passé et de mes propres amis que nous nous sentions à l'aise. État de choses qui les amenait parfois, sans nécessité, à évoquer par sociabilité pure des souvenirs puérils. J'étais invitée, sans qu'une liaison d'idées nous y eût amené, à répéter le mot célèbre de Gros-Pierre, ou à confirmer des détails déjà connus sur l'intelligence du poney du presbytère. C'était tantôt à de semblables moments, tantôt à d'autres, tout à fait différents, que mon épreuve, ainsi que je l'ai appelée, me devenait, avec la tournure actuelle des événements, plus amère et plus difficile. Le fait que les jours s'écoulaient sans m'apporter de nouvelles rencontres aurait dû, semble-t-il, verser quelque apaisement à mes nerfs surexcités. Depuis la légère émotion de cette seconde nuit, où du palier j'avais reconnu la présence d'une femme sur la première marche d'en bas, je n'avais rien vu dehors ou dedans la maison qu'il eût mieux valu ne pas voir. Je m'étais attendu à voir Kint à plus d'un tournant, et maintes fois, la situation, simplement par je ne sais quelle atmosphère sinistre, m'avait paru propre à une apparition de Miss Chessel. L'été avait tourné, l'été était passé, l'automne s'était abattu sur Bly, y éteignant à demi notre belle lumière. Ce beau lieu, sous le ciel gris, avec ses corbeilles flétries, ses espaces dénudés et ses feuilles mortes éparses, paraissait un théâtre où la pièce est finie de jouer quand les programmes froissés jonchent le sol. Je retrouvais exactement l'état de l'atmosphère, les nuances de sonorité et de silence, l'indicible, l'inexprimable impression d'être arrivé au moment voulu, tout un ensemble de circonstances qui me rendait de nouveau, assez longtemps pour que je la puisse noter, cette sensation de médium où j'étais plongé ce beau soir de juin, lorsque Kint m'était apparu pour la première fois, dans laquelle aussi, après l'avoir vu derrière la vitre, je l'avais vainement cherché dans les taillis environnants. Oui, je reconnaissais les signes, les présages, je reconnaissais le temps, le lieu, mais tout demeurait vide et inanimé, et moi-même indemne, respecté, si l'on peut dire respecté, une jeune femme dont la sensibilité a été, non pas amoindrie, mais exaspérée, de la façon la plus extraordinaire. Dans ma conversation avec Mrs. Groves, à propos de cette horrible scène de Flora près de l'étang, je l'avais rendue perplexe en lui disant que maintenant, je regretterais bien plus de perdre mon étrange pouvoir que de le conserver, et je lui avais longuement expliqué l'idée qui me dominait, que les enfants vissent les spectres ou non, puisque d'ailleurs, il n'était pas encore définitivement prouvé qu'ils les vissent, je préférais infiniment, pour leur sauvegarde, courir le risque à moi seul. J'étais prête au pire. Ce qui m'avait alors transpercé comme d'un poignard était la pensée que mes yeux pussent être scellés tandis que les leurs eussent été grands ouverts. Eh bien, mes yeux étaient scellés à présent. Il le semblait bien, conclusion pour laquelle il paraissait blasphématoire de ne pas remercier Dieu. Hélas, il y avait une difficulté à cela. Je l'eusse remercié de toute mon âme, n'eût été la conviction, égale à cette reconnaissance, que mes enfants avaient un secret. Comment aujourd'hui retracer les étranges étapes de mon obsession? À certains moments, quand nous étions ensemble, j'aurais pu jurer que littéralement en ma présence, mais sans que j'en eusse la sensation directe, il recevait des visiteurs qu'il connaissait et accueillait cordialement. À ces moments-là, si je n'eusse été retenu par la crainte que le remède ne fût pire que le mal qu'il voulait combattre, mon exaltation se serait donnée libre cours. « ils sont là, petit malheureux !» me serais-je écrié. « Vous ne pouvez pas le nier maintenant !» Mais les petits malheureux niaient tout avec les forces unies de leur sociabilité et de leur tendresse, dans les abîmes cristallins desquels, tel l'éclair d'une écueil de poisson dans le torrent, scintillait ironiquement l'avantage qu'ils avaient sur moi. À la vérité, mon trouble avait été plus profond que je ne croyais, cette nuit où, à la recherche sous les étoiles de Peter Kint ou de Miss Jessel, j'avais découvert l'enfant sur le repos duquel j'étais chargé de veiller et qui était rentré avec moi, conservant son même regard si doux. Ce doux regard qu'il avait, dès le premier moment et sur le lieu même, dirigé tout droit sur moi. Ce doux regard levé au ciel, avec lequel des créneaux qui nous dominaient se plaisaient à jouer la hideuse apparition de Kint. Pour un bouleversement, on peut dire que ma découverte, à cette occasion, en avait été un plus profond qu'aucun autre, et c'était essentiellement d'un état d'âme bouleversé que je tirais les conclusions présentes. J'en étais quelquefois harassé à un tel point que je m'enfermais pour répéter à haute voix. C'était à la fois un soulagement inexplicable et un renouvellement de désespoir. La scène qui me permettrait d'aborder le fond de la question. J'en approchais, tantôt d'un côté et tantôt d'un autre, tout en parcourant ma chambre avec agitation, mais toujours, au moment affreux d'articuler les noms propres, mon courage m'abandonnait. Tandis que les syllabes mouraient sur mes lèvres, je me disais que j'allais peut-être les aider à se former une image infâme si, en les prononçant, ces noms hideux, je violais l'instinctive délicatesse la plus rare que j'avais sans doute eue connue en salle d'études. Quand je me disais « Eux ont assez de tact pour se taire, et toi, avec toute la confiance qu'on te témoigne, assez de vilenie pour pouvoir parler », je me sentais devenir écarlate et je me couvrais la figure de mes mains. Après ces scènes secrètes, je bavardais plus que jamais, pleine de volubilité, jusqu'au moment où survenait un de nos prodigieux et tangibles silences, je ne puis les qualifier autrement, une étrange sensation d'étourdissement, d'entraînement, je cherche les termes justes, enveloppé dans un calme, une suspension absolue de toute manifestation de vie. Elle n'avait pas de rapport avec le plus ou moins de tapage que nous pouvions être en train de faire, et je pouvais la percevoir à travers n'importe quel éclat de gaieté, quelle récitation plus rapide ou quel accord bruyant du piano. Alors les autres, les intrus étaient là. Bien qu'ils ne fussent pas des anges, ils passaient, comme on dit en France, me faisant frémir, tant que durait leur présence, de la crainte qu'ils n'adressassent à leur jeune victime quelque message plus infernal ou quelque vision plus ardente que ce qu'ils avaient jugé assez bon pour moi. L'idée qu'il m'était le plus difficile d'éloigner était celle si cruelle que, quoique j'eusse vu, Miles et Flora voyaient davantage. Chose terrible, impossible à deviner, et qui surgissait des affreux moments de leur vie commune d'autrefois. De telles choses, naturellement, laissées dans l'atmosphère pour quelque temps, comme une glace superficielle que nous nous refusions à reconnaître, vociférante à l'unisson. Et tous trois, après maintes répétitions, avions acquis un tel entraînement que chaque fois, pour indiquer la fin de l'incident, nous exécutions automatiquement les mêmes mouvements. En tout cas, il était frappant que les enfants vinssent régulièrement, sans la moindre raison, m'embrasser comme des fous, et ne manquassent jamais l'un ou l'autre de poser la précieuse question qui nous avait fait traverser plus d'un passage périlleux. « Quand pensez-vous qu'il viendra? Ne croyez-vous pas que nous devrions lui écrire ?»« Rien, l'expérience nous l'avait appris, ne valait cette demande pour chasser tout embarras. » Il, bien entendu, c'était l'oncle de Harley Street, et nous vivions dans la convention, abondamment exprimée, qu'il pouvait à tout instant arriver et se mêler à notre cercle. Il était impossible de donner moins d'encouragement à une doctrine qu'il ne l'avait fait à celle-ci, mais si nous n'avions pas eu le soutien de cette doctrine, nous nous serions privés les uns et les autres de quelques-unes de nos plus belles mystifications. Il ne leur écrivait jamais. C'était peut-être égoïste, mais cela faisait partie de la confiance flatteuse qu'il avait placée en moi, car la façon dont un homme rend à une femme son hommage le plus flatteur a tendance à n'être que l'accomplissement souriant d'une des lois sacrées de son confort personnel. Ainsi j'étais persuadée que je restais fidèle à ma promesse de ne jamais le troubler en donnant à entendre à nos jeunes amis que leurs lettres n'étaient que d'aimables exercices littéraires. Elles étaient trop jolies pour être mises à la poste. Je les conservais pour moi. Je les possède encore toutes à cette heure. Cette règle que je m'étais imposée ne servait qu'à augmenter l'effet satirique de leur perpétuelle supposition qu'à tout instant ils pouvaient apparaître au milieu de nous. C'était exactement comme si nos jeunes camarades se rendaient compte du point auquel une telle visite, plus que tout le reste, aurait été embarrassante pour moi. D'ailleurs, regardant en arrière, rien ne me paraît plus extraordinaire que le simple fait de n'avoir jamais perdu patience avec eux, en dépit de mes nerfs tendus et de leur triomphe latent. Adorable, oui, vraiment, ils devaient l'être. Je le sens maintenant, puisqu'en ces jours passés, je ne les haïssais point. Cependant, si le soulagement ne fut point survenu, mon exaspération à la longue ne m'eût-elle pas trahi? Ceci importe peu, car le soulagement vint. Je le nomme soulagement, bien que ce ne fût que celui que procure la rupture d'une corde trop tendue ou le coup de tonnerre un jour d'orage. Enfin, au moins, c'était un changement, et il arriva comme un éclair. Chapitre 15. Je me rendais à l'église un certain dimanche matin avec Miles à côté de moi. Sa sœur bien en vue marchait en avant avec Mrs. Groves. C'était un jour clair et sec, le premier de ce genre depuis quelque temps. Il avait gelé légèrement pendant la nuit et l'air automnal étincelant et vif rendait les sonneries de cloches de l'église presque gaies. Par quelle suite bizarre de mes pensées en arrivais-je à ce moment à me dire que mes élèves me montraient vraiment une obéissance dont je ne pouvais qu'être frappée, aussi bien que reconnaissante. Pourquoi ne se révoltaient-ils jamais contre mon inexorable, ma perpétuelle société? Je ne sais quoi m'avait fait comme toucher du doigt ce fait que, pour ainsi dire, j'avais cousu le gamin à mes jupes et que dans la manière dont nos compagnons marchaient au pas militaire devant moi, je pouvais sembler me prémunir contre quelque rébellion. J'étais comme un geôlier dont l'œil surveille les surprises et les évasions possibles. Mais tout ceci, je veux dire leur magnifique petite condescendance, appartenait justement à l'ensemble des faits les plus profondément mystérieux de notre aventure. Soigneusement habillé de sa tenue du dimanche, par les soins du tailleur de son oncle à qui on avait laissé les coudées franches et qui savait apprécier la valeur d'un gilet élégant et la tournure aristocratique de son petit client, Miles donnait une telle impression d'indépendance, de droit qu'exigeait son sexe et sa situation, qu'eût-il réclamé sa liberté, je n'aurais rien eu à dire. Par la plus étrange des coïncidences, j'étais en train de me demander comment je pourrais lui résister lorsque, à ne pouvoir s'y tromper, la révolution se produisit. Je l'appelle révolution parce que je vois maintenant comment, avec les mots qu'il prononça, le rideau se leva sur le dernier acte de mon terrible drame, et dès lors, la catastrophe se précipita. « Dites-moi, ma chère, débuta-t-il gentiment, quand diable vais-je retourner au collège ?» Transcrite ici, la phrase paraît assez inoffensive, d'autant plus qu'elle était prononcée avec le timbre clair et caressant grâce auquel ses intonations semblaient autant de roses négligemment jetées à son interlocuteur, surtout lorsque son interlocuteur était son éternelle institutrice. Elles avaient quelque chose de prenant, et de fait je fus alors tellement saisie que je m'arrêtai court comme si l'un des arbres du parc se fût abattu en travers de la route. Quelque chose de nouveau venait de surgir là, entre nous, et il se rendait parfaitement compte que je le comprenais, bien que pour ce faire, il n'eût pas besoin d'abandonner un atome de sa candeur et de sa séduction habituelle. Je sentais déjà, rien qu'en ne trouvant rien à lui répliquer immédiatement, qu'il jouissait de l'avantage gagné. J'étais si lente à trouver n'importe quoi à dire qu'il eut tout le temps, après une minute écoulée, de continuer avec son sourire suggestif mais indulgent. « Vous savez, ma chère, que d'être toujours seule avec une dame... » Il avait toujours ce « ma chère » sur les lèvres en s'adressant à moi, et rien ne pouvait exprimer plus exactement la nuance du sentiment que je désirais inspirer à mes élèves que ce terme de tendre familiarité. C'était si librement respectueux. Mais bon Dieu, comme je sentais qu'il me fallait maintenant peser mes paroles. Je me rappelle que, pour gagner du temps, je feignis de rire, et je me vis dans le beau visage qui m'observait, si vilaine et si bizarre. « Et toujours avec la même dame ? » rétorquai-je. Il ne pâlit ni ne sourcilla. Tout était pratiquement dévoilé entre nous. « Ah, bien sûr, elle est une charmante personne, une vraie dame, mais voyez-vous, je suis un garçon qui, eh bien, qui avance en âge. » Je m'arrêtai un instant, le considérant avec quelle tendresse. « Oui, vous avancez !» Combien je me sentais perdue, et encore aujourd'hui, je reste persuadée de cette petite idée qui vint me percer le cœur. Il le savait et s'en faisait un jeu cruel envers moi. « Et vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas été rudement gentille, hein ?» Je posai ma main sur son épaule, car bien que je sentisse qu'il eût été bien préférable de nous remettre en route, je n'en étais pas encore tout à fait capable. « Non, je ne peux pas dire cela, Miles. Excepté juste cette nuit, vous savez. Cette seule nuit. » Mais je ne pouvais pas regarder aussi droit que lui. « Oui, quand je suis descendue, quand je suis sortie de la maison. Ah oui, mais j'ai oublié pour quelle raison vous aviez fait cela. Vous avez oublié pourquoi ?» Il parlait avec la gentille exubérance qui anime les reproches des enfants. « Mais c'était justement pour vous montrer que je pouvais le faire. »« Ah oui, vous pouviez bien le faire. Et je pourrais le faire encore. » Je constatai qu'après tout, il m'était possible de ne pas perdre absolument la tête. « Certainement, mais vous ne le ferez pas. »« Non, pas encore cela. Ce n'était rien du tout. »« Rien du tout, dis-je. Mais marchons maintenant. » Il reprit sa marche auprès de moi, passant son bras sous le mien. « Alors, quand donc dois-je retourner au collège ?» Je pris mon air le plus soucieux en réfléchissant à sa demande. « Êtes-vous très heureux au collège ?» Il réfléchit un instant. « Oh, je me trouve assez bien partout. »« Eh bien alors, ma voix tremblait malgré moi, si vous êtes aussi content ici qu'ailleurs ?»« Ah, mais ce n'est pas tout. Bien entendu, vous savez un tas de choses. » « Mais vous voulez dire que vous en savez presque autant » risquai-je tandis qu'il s'arrêtait. « Je ne sais pas la moitié de ce que je voudrais savoir, avoua Miles honnêtement. Mais ce n'est pas tant cela. Qu'est-ce que c'est alors ? Eh bien, je voudrais voir davantage de la vie. » « Je vois, je vois. » Nous étions arrivés en vue de l'église et de plusieurs personnes, parmi lesquelles quelques membres de la domesticité de Bly qui s'y rendaient, et se grouper près de la porte pour nous voir entrer. Je hâtai le pas. Je voulais y arriver avant que la question ne devînt trop embarrassante. Je savais bien qu'une fois là, il aurait à garder le silence pendant une heure. Je pensais avec envie à l'ombre relative de notre banc clos et au secours presque spirituel que m'apporterait le coussin où s'appuieraient mes genoux. Il me semblait littéralement que je lui disputais une course désespérée, mais je sentis qu'il arrivait bon premier, quand, avant d'entrer dans le cimetière qui précédait l'église, il me jeta ces mots. « J'ai besoin de mes pareils. » Cela me fit littéralement bondir. « Il n'y a guère de vos pareils, Miles, » dis-je en riant, « excepté la petite Flora, chérie, peut-être. » « Vraiment, vous me comparez à un bébé qui est une fille ?» Je me sentais singulièrement désarmée. « Est-ce que vous n'aimez pas votre petite Flora ?»« Si je ne l'aimais pas, et vous aussi, si je ne l'aimais pas, » répéta-t-il en reculant comme pour prendre son élan, et cependant laissant sa pensée tellement inachevée qu'après avoir franchi la barrière, un autre arrêt, qu'il m'imposa par une pression de son bras sur le mien, était devenu inévitable. Mrs. Groves et Flora avaient pénétré dans l'église, les autres fidèles avaient suivi, et pour l'instant nous étions seuls parmi les vieilles tombes rustiques. Nous nous étions arrêtés, dans l'allée qui partait de la barrière, auprès d'une tombe basse et oblongue comme une table. « Eh bien, si vous ne nous aimiez pas ?» Il regardait les tombes, tandis que j'attendais sa réponse. Eh bien, vous savez quoi ? Mais il ne bougea pas, et présentement me servit quelque chose qui me fit m'asseoir brusquement sur la pierre, comme prise d'un besoin subit de repos. Mon oncle pense-t-il ce que vous pensez ? Je pris un temps bien marqué. Comment savez-vous ce que je pense ? Ah, bien sûr, je ne le sais pas, car je m'aperçois maintenant que vous ne me le dites jamais, mais je veux dire, le sait-il ? Sait-il quoi, Miles ? Eh bien, ce que je fais. Je me rendis rapidement compte que je ne pouvais faire à cette question aucune réponse qui ne comportât en quelque manière le sacrifice de mon patron. Cependant, je songeai que nous nous étions tous à Bly suffisamment sacrifiés pour que cette faute ne fût que vénielle. Je ne crois pas que votre oncle s'en soucie beaucoup. Miles, là-dessus, me considéra longuement. Et ne croyez-vous pas qu'on pourrait l'amener à s'en soucier ? Comment cela ? Mais s'il venait ici ? Et qui le ferait venir ici ? Je le ferai moi ! Dit l'enfant avec un éclat et un accent de volonté extraordinaire. Il me lança encore un regard plein de cette même expression, puis marcha vers l'église et y entra, seul. Chapitre 16. La scène se conclut d'elle-même par le fait que je ne l'y suivis point. C'était céder déplorablement à ses nerfs, mais m'en rendre nettement compte ne m'aida pas du tout à retrouver le calme. Je ne pouvais que rester là, assis sur ma tombe, et essayer, à travers les paroles prononcées par mon jeune ami, de deviner leur sens entier. Lorsque je fus parvenu à l'embrasser entièrement, j'avais aussi décidé de fournir comme prétexte à mon absence ma confusion de donner un tel exemple de retard à mes élèves et au reste de l'assemblée. Mais ce que je me redisais, par-dessus tout, était que Miles m'avait arraché un avantage et qu'il en aurait justement la preuve dans cette maladroite absence. Il m'avait fait avouer que j'avais grande peur d'une certaine chose, et, probablement, il profiterait de cette crainte pour obtenir plus de liberté. La peur que j'éprouvais, c'était d'avoir à traiter de la question intolérable de son renvoi de l'école, puisque cela n'était, au fond, que la question des abominations qui s'y rattachaient. Que son oncle en arrivât à traiter de ces choses avec moi, c'était une solution qu'en elle-même j'eusse dû désirer maintenant, mais il m'était tellement impossible d'en envisager la laideur et la peine que je me bornais simplement à remettre ma décision à plus tard et me contentais de vivre au jour le jour. L'enfant, à ma profonde confusion, était grandement dans son droit et dans une situation à pouvoir me dire « Ou bien vous tirerez au clair avec mon tuteur cette mystérieuse interruption de mes études, ou bien vous cesserez de vous attendre à me voir mener auprès de vous une vie aussi anormale pour un garçon. » Ce qui était très anormal chez le garçon dont il s'agissait en particulier, c'était cette révélation soudaine qu'il avait à la fois conscience de la gravité de son cas et un plan pour le résoudre. C'était cela qui me bouleversait, qui m'empêchait d'entrer dans l'église. J'en faisais le tour, hésitante, inquiète. La réflexion déjà me venait qu'à ses yeux, je m'étais irrémissiblement découverte. Je ne pouvais donc plus rien réparer, et c'était un trop pénible effort que d'aller prendre place auprès de lui sur le banc où nous nous serrions les uns contre les autres. Je le voyais plus que jamais prêt à glisser son bras sous le mien et me tenir là pendant une heure en étroit et silencieux contact avec son commentaire intime de notre conversation. Pour la première fois depuis son arrivée, je souhaitais m'éloigner de lui. Je m'étais arrêté sous la haute fenêtre de l'est à écouter les chants religieux qui venaient de l'intérieur. Une impulsion me saisit qui, je le sentis, allait me dominer complètement pour peu que je ne l'encourageasse. Je pouvais facilement mettre fin à mon épreuve en prenant la fuite. J'avais l'occasion sous la main, personne n'était là pour m'arrêter. Je pouvais renoncer à toute l'affaire, y tourner le dos et m'échapper. Il n'y avait qu'à rentrer vite à la maison, laisser vite pour ainsi dire grâce à la présence de l'église de la plupart des domestiques, et à y effectuer mes préparatifs de départ. En somme, personne ne pourrait me blâmer si je m'enfuyais poussé par le désespoir. À quoi bon me séparer d'eux maintenant si je devais le retrouver à dîner? Il aurait lieu dans 2 heures, alors j'en avais la perception aiguë, mes jeunes élèves joueraient la comédie d'un innocent étonnement de ne pas m'avoir vu les suivre. Qu'avez-vous été faire, vilaine méchante? Était-ce vraiment pour nous tourmenter et nous causer des distractions, vous savez, que vous nous avez abandonnés juste à la porte? Ces questions, je ne pouvais les affronter, ni pendant qu'ils les posaient, leurs beaux yeux menteurs. Cependant, tout cela, c'était si exactement ce que j'aurais à affronter que, devant l'image trop nette que mon esprit se représentait, je cédai enfin à mon désir. Je partis. Je partis en tant qu'il s'agissait du moment présent. Je sortis du cimetière et, réfléchissant profondément, je repris le même chemin qu'à l'aller à travers le parc. Lorsque j'eus atteint la maison, il me sembla que mon parti était pris d'exécuter mon cynique projet de départ. Le calme dominical qui régnait, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du château, où je ne rencontrais personne, me frappa comme m'offrant une occasion unique. Si à 7 heures je partais rapidement, je disparaissais sans une scène, sans un mot, mais il me fallait déployer une rapidité merveilleuse, et puis la question de l'indispensable véhicule était la plus difficile à résoudre. Dans le hall, anxieuse et tourmentée par les obstacles et les difficultés, je le laissai tomber, épuisé, sur la première marche de l'escalier. Puis, par une violente réaction, je me rappelai que c'était là, exactement, plus d'un mois auparavant, dans les ténèbres de la nuit et courbé de même sous le poids des pensées mauvaises, que j'avais vu le spectre de la plus horrible des femmes. Alors cela me redressa. Je finis de monter les marches du premier étage. Je me dirigeai en proie à un étrange bouleversement vers la salle d'études où il y avait des objets à moi que je désirais prendre. J'ouvris la porte. En un éclair, une fois de plus, mes yeux se dessillèrent. Devant le spectacle qui m'accueillit, je vacillai, mais pour me reprendre aussitôt. Assise à ma propre table, dans la claire lumière de midi, je vis une personne que, sans mon expérience antérieure, j'aurais prise au premier moment pour une servante laissée à la garde de la maison qui aurait profité du manque si rare de surveillance, autant que du papier et des plumes, de la salle d'études pour s'appliquer à l'effort considérable d'écrire une lettre à son bon ami. Il y avait de l'effort dans la manière dont ses mains, avec une lassitude évidente, supportait sa tête penchée, tandis que ses bras s'appuyaient sur la table. Mais tandis que je faisais cette observation, je m'étais déjà rendu compte du fait singulier que mon entrée ne modifiait en rien son attitude. L'instant d'après, elle changea de position, et ce fut alors dans ce mouvement même que, comme en un jet de flamme, jaillit son identité. Elle se leva, non comme si elle m'eût entendu, mais avec une grande et indescriptible mélancolie, faite d'indifférence et de détachement, et à une douzaine de pas de moi, se tint là, debout, toute droite, elle, la vile Miss Chessel. Tragique et déshonorée, elle était tout entière devant moi. Mais comme je la fixai et assurai son image dans ma mémoire, l'affreuse apparition passa, disparut. Sombre comme la nuit dans sa robe noire, sa beauté hagarde et sa douleur indicible, elle m'avait regardé assez longtemps pour sembler me dire que son droit de s'asseoir à ma table était aussi bon que le mien de m'asseoir à la sienne. Vraiment, je frémis d'horreur pendant ces instants, soudainement envahi par ce sentiment que l'intruse, c'était moi. Dans une protestation passionnée, je m'étais directement adressé à elle. « Oh, terrible et misérable femme !» m'étais-je entendu crier, et le son, par la porte ouverte, s'en était allé résonner le long du corridor et dans la maison vide. Elle me regarda, mais je m'étais reconquise, et l'atmosphère s'assainissait autour de moi. Une minute de plus, il n'y avait plus que des rayons de soleil dans la chambre, que des rayons de soleil, et la conviction que je devais rester.